pêcheurs, de la faiseuse à mes gueules qui criaient. De la gaieté au chêne lentin, de la marée au capucin, j'ai hurlé. Toutes ces voix qui rythmaient mon dessin, toutes ces voix. Pour mes amis et pour Frankie et pour les...